La communauté internationale admire le profil de la Corée socialiste en progrès continu. La revue internet russe Lemchichi a commenté le documentaire russe télévisé titré « Au pays des gens les plus heureux » pour souligner que l'on y verra pourquoi on dit que les Coréens sont les plus en progrès continu. La revue internet russe Lemchichi a commenté le documentaire russe télévisé titré « Au pays des gens les plus heureux » pour souligner que l'on y verra pourquoi on dit que les Coréens sont les plus heureux du monde. Le journal russe Komsomolskaya Pravda a indiqué que la Corée est un pays très développé par rapport aux 10 et 20 ans auparavant et déclaré que l'ascension internationale de l'Occident n'a aucune influence sur son développement. Le journal bulgare Pensioneri a écrit que la Corée est un pays qui opère des événements spectaculaires ni vus ni constatés par les Bulgares. Le président de l'association d'amitié Belgique-Corée a indiqué que si les gens qui ne savent pas la réalité coréenne à cause des démagogies des presses occidentales seront très étonnés devant la vérité, alors que le secrétaire général du parti Zatia et le président du cercle d'études des idées du Tutsi du Bangladesh ont affirmé qu'il faut aller en Corée pour la connaître et voir sa réalité par ses propres yeux. Un membre de la délégation d'études de l'indépendance de Turquie a dit que la Corée ne connaît pas les corruptions et débauches capitalistes, tandis que le délégué européen de l'association culturelle Haïti Corée a affirmé que la Corée montrera au monde qu'il y a la justice et qu'elle triomphe à coup sûr.